Chapitre 18e. Plaisirs et peines. Lorsque Marguerite fut de retour à la maison, elle trouva deux lettres sur la table. L'une était un billet adressé à sa mère. L'autre, qui était venue par la poste, était évidemment de sa tante Chow. Elle était couverte de timbres étrangers, et le papier était fin et glacé. Tandis que Marguerite examinait cette lettre, son père entra tout à coup. « Ta mère s'est trouvée fatiguée, à ce qu'il paraît. » Et elle s'est couchée de bonne heure. Je crains qu'un jour si orageux n'ait pas été bien choisi pour lui amener le médecin. Qu'a-t-il dit ? Dixon vient de m'apprendre qu'il avait causé d'elle avec vous. Marguerite hésita. Le regard de son père devint grave et inquiet. Il ne la croit pas sérieusement malade. Pas pour le présent. Elle a besoin de soins, a-t-il dit. Il s'est montré très bon. Il a dit qu'il reviendrait pour voir l'effet de ses remèdes. Rien que des soins. Il n'a pas parlé de changement d'air. Il n'a pas dit que l'atmosphère enfumée de cette ville lui fût nuisible. Non, il n'a pas dit un mot de cela, répondit Marguerite gravement. Cependant, il n'est pas sans inquiétude. Les médecins prennent souvent cet air inquiet. C'est une habitude de leur profession. Marguerite vit l'agitation de son père qu'il venait de concevoir pour la première fois la possibilité du danger. Bien qu'il parlât légèrement de ce qu'elle lui avait dit. Il ne pouvait ni quitter ce sujet ni parler d'autre chose. Il y revint dans la soirée, se refusant visiblement à admettre le plus léger motif d'inquiétude, ce qui remplit Marguerite d'une tristesse inexprimable. « Cette lettre est de ma tante Chow, papa. Elle est arrivée à Naples et a trouvé qu'il y faisait trop chaud, de sorte qu'il a loué une maison à Sorrente. Je ne crois pas que l'Italie lui plaise beaucoup. » A-t-il ordonné un régime ? Il a dit qu'il fallait des aliments nourrissants et faciles à digérer. Maman a généralement assez bon appétit. Oui, et c'est ce qui fait que je trouve singulier qu'il ait parlé de régime. C'est moi qui lui en ai parlé la première, papa. Il y eut un instant de silence. Puis Marguerite reprit. Ma tante dit qu'elle m'a envoyé des bijoux de corail, papa. Mais elle ajoute qu'elle craint qu'il ne déplaise aux méthodistes de Milton. Elle s'imagine que les méthodistes sont dans le genre des quakers. Si jamais tu apprends ou tu entends dire que ta mère ait besoin ou envie de quelque chose, aie soin de me le dire aussitôt. J'ai si peur qu'elle ne me dise pas toujours ce qui lui ferait plaisir. Tâche, ma fille, de t'occuper de son dont t'a parlé Mr. Thornton. Si nous avions une servante sûre et capable, Dixon pourrait alors être toujours auprès d'elle, et je réponds que ta mère serait bientôt de nouveau avec nous. S'il ne lui faut que des soins. Elle a été bien fatiguée dans ces derniers temps, de la chaleur et des courses qu'elle a faites pour chercher une domestique. Un peu de repos la remettra. Qu'en penses-tu ? Je l'espère, papa, dit Marguerite, mais d'un ton si triste que son père le remarqua. Il lui pinça la joue. Allons, tu es si folle qu'il faut que je te fasse rougir un peu. Aie bien soin de toi, mon enfant, ou tu auras à ton tour besoin du médecin. Mais Mr. Hale ne put se fixer à rien ce soir-là. Il allait sans cesse sur la pointe du pied voir si sa femme dormait encore. Marguerite souffrait de voir l'agitation de son père et ses efforts pour repousser l'horrible crainte qui commençait à germer dans son cœur. Il revint enfin quelque peu consolé. Elle est réveillée, Marguerite. En m'apercevant près de son lit, elle a souri de son sourire d'autrefois. Elle a dit qu'elle se sent rafraîchie et disposée à prendre son thé. « Où est le billet qui lui est adressé ? Je vais le lire pendant que tu feras le thé. » Le billet se trouva être une invitation de Mrs. Thornton, engageant Mr., Mrs. et Miss Hale à dîner pour le 21 courant. Marguerite fut surprise qu'on songeât à accepter, après les tristes nouvelles qu'elle avait apprises dans la journée. Mais il en était néanmoins si. L'idée de son mari et de sa fille allant à ce grand dîner avait séduit Mrs. Hale, même avant que Marguerite eût connaissance du contenu du billet. C'était un événement dont l'attente distrayait la malade, et elle insista avec un peu d'humeur pour qu'ils acceptassent lorsque Marguerite se permit quelques objections. « Marguerite, si elle le désire, dit le lendemain Mr. Hale à sa fille, nous irons certainement. Elle ne le souhaiterait pas si elle ne se sentait pas réellement forte et mieux portante que nous ne le croyions. Ne penses-tu pas ainsi ? ajouta-t-il avec anxiété, pendant que la jeune fille écrivait pour accepter l'invitation. « N'est-ce pas, Marguerite ? » fit-il en insistant, tandis que ses mains étaient agitées d'un mouvement nerveux. Il semblait cruel de lui refuser la consolation qu'il implorait, et en outre, sa persistance à repousser toute idée de danger inspirait quelque espérance à Marguerite elle-même. « Je crois que maman va mieux depuis hier soir, » dit-elle. « Ses yeux sont plus brillants et son teint plus clair. » « Que Dieu vous bénisse, » dit Mr. Hill. « Mais en êtes-vous bien sûr ?» Il est vrai que la journée d'hier était si étouffante que tout le monde était mal à son aise. C'était un mauvais jour pour la faire voir au médecin. Et il se rendit à ses occupations journalières, encore accrues en ce moment par la préparation de quelques leçons qu'il s'était engagé à faire aux ouvriers dans un athénée voisin. Il avait choisi pour sujet l'architecture sacrée, sujet en rapport avec ses goûts et avec ses études, bien plus qu'avec le caractère du pays et les besoins de ceux qui devaient composer son auditoire. Mais l'association, qui était au-dessous de ses affaires, se trouvait bien assez heureuse d'obtenir gratuitement les leçons d'un homme éclairé et accompli, comme était Mr. Hale, et de lui laisser le choix de son sujet. « Eh bien, ma mère, » dit ce soir-là Mr. Thornton, « quelles sont les personnes qui ont accepté vos invitations pour le 21 ?»« Fanny, où sont les billets de réponse ?»« Les Slickson acceptent. Les Collingbrook aussi. Les Brown refusent. Mr. Hale et sa fille viendront, la mère est trop souffrante. Les Macpherson viendront, ainsi que Mr. Hawthorne et Mr. Young. Je songeais à inviter les Porter, puisque les Brown ne peuvent venir. Très bien. Savez-vous que je crains que Mrs. Hale ne soit véritablement très malade, d'après ce que dit le docteur Donaldson. Il est singulier qu'ils acceptent une invitation à dîner, si elle est si malade, dit Fanny. Ils ne le savent peut-être pas, dit Mr. Thornton avec une certaine vivacité. Puis tout à coup il se rappela que, d'après ce que le docteur lui avait dit, Marguerite, dans tous les cas, devait savoir la vérité. « Il est probable qu'ils comprennent ce que vous disiez hier, John, que ce sera pour eux, pour Mr. Hale, je veux dire, un grand avantage d'être présenté à des gens comme les Stephenson et les Gollingbrook. Je suis sûr qu'un pareil motif ne les influencerait pas, non, je crois comprendre leurs raisons. « John ?» dit Fanny en riant de ce petit rire nerveux qui lui était familier. « Il est singulier que vous croyiez toujours comprendre ces Hale, et que vous ne vouliez jamais admettre que nous puissions les comprendre le moins du monde. Sont-ils donc si différents de toutes les autres personnes que nous connaissons ?» Fanny n'avait pas eu l'intention de contrarier et de fâcher son frère. Mais si elle l'avait eu, elle n'eût pu y réussir plus complètement. Il cacha toutefois son mécontentement, et se borna à ne pas répondre à la question. « Je ne vois pas qu'ils aient rien de si extraordinaire, » dit Mrs. Thornton. « Le père paraît être un digne homme, un peu trop simple pour le commerce, peut-être. Aussi a-t-il eu raison de se faire ecclésiastique et professeur. La mère est un peu la grande dame avec sa mauvaise santé. Et quant à la fille, c'est la seule qui m'intrigue un peu quand je pense à elle, ce qui ne m'arrive pas souvent. » Elle me fait l'effet de chercher à prendre de grands airs, et je ne puis m'imaginer pourquoi. Elle paraît vraiment, quelquefois, se croire au-dessus de toute la compagnie, et pourtant ils ne sont pas riches. Et à ce que l'on m'a dit, ils ne l'ont jamais été. Et elle ne joue pas seulement du piano, maman. Continuez, Fanny. Que lui manque-t-il encore pour être à votre hauteur? Voyons, John, Fanny n'a pas voulu en dire du mal. J'ai moi-même entendu dire à Miss Hale qu'elle n'était pas musicienne. Si vous nous laissiez faire, nous l'aimerions peut-être et nous découvririons son mérite. Je ne crois pas, murmura Fanny, se sentant soutenue par sa mère. Mr. Thornton entendit ces paroles, mais il ne prit pas la peine d'y répondre. Il se promenait de long en large dans la salle à manger, attendant avec impatience que sa mère demandât de la lumière, afin de pouvoir, en s'installant à lire ou à écrire, mettre fin à la conversation. Mais il ne se permettait jamais d'intervenir dans les arrangements domestiques de Mrs. Thornton. « Ma mère, » dit-il, s'arrêtant et disant bravement la vérité, « je voudrais que vous puissiez aimer Miss Hale. »« Pourquoi cela ? » s'écria Mrs. Thornton. « que le ton à la fois sérieux et tendre de son fils avait fait tressaillir. « Vous ne songez pas à l'épouser, j'espère. Une fille qui n'a pas le sou. Elle ne voudrait pas de moi, » dit Mr. Thornton avec un rire contraint. « En vérité, je crois que non, » dit la mère. « Elle m'a ri au nez l'autre jour, lorsque je l'ai loué d'avoir osé répéter quelque chose qu'avait dit Mr. Bell en votre faveur. Sa franchise m'a plu d'abord, parce que j'ai vu qu'elle ne songeait pas à vous, et l'instant d'après, j'étais blessé de son indifférence. Mais peu importe. Seulement, vous avez raison de croire qu'elle a une trop haute opinion d'elle-même pour songer à vous, l'impertinente créature. Je voudrais bien savoir où elle compte en trouver un meilleur. » Si ces paroles blessèrent Mr. Thornton, l'obscurité lui permit de cacher son émotion. L'instant d'après, il se rapprocha gaiement de sa mère et, lui passant légèrement une main sur l'épaule, lui dit « Je suis tout aussi convaincu que vous pouvez l'être de la vérité de ce que vous venez de dire et, comme je ne songe pas le moins du monde à en faire ma femme, vous me croirez dorénavant désintéressé quand je parlerai d'elle. Je prévois pour cette jeune fille un avenir douloureux, peut-être la mort de sa mère. Et je désire qu'elle trouve en vous une amie, si elle en sent le besoin. Maintenant, Fanny, ajouta-t-il, j'espère que vous avez assez de délicatesse pour comprendre que ce serait faire injure à Miss Hale comme à moi, que de me supposer d'autres raisons que celles que je viens de donner, pour vous prier, ainsi que ma mère, de montrer à cette jeune fille toute la bienveillance possible. Je ne puis lui pardonner son orgueil, dit Mrs. Thornton. Je serai pour elle une amie, si elle en a besoin, puisque vous me le demandez, John. Je protégerai Jézabel elle-même, si vous le désirez. Mais cette jeune fille qui ne regarde comme au-dessous d'elle, qui vous traite avec mépris... Non, ma mère, je ne me suis jamais exposé, et j'ai l'intention de ne jamais m'exposer à son mépris. Son mépris, en vérité. Ici, Mrs. Thornton fit entendre un de ses ronflements expressifs. Ne me parlez plus de Miss Hale, je vous en prie, John, si vous désirez que je sois bonne pour elle. Lorsqu'elle est là, je ne sais trop si je l'aime ou non, mais lorsque je pense à elle et que je vous en entends parler, je la hais positivement. Je vois qu'elle a pris de grands airs avec vous. Je le vois aussi clairement que si vous me l'aviez dit. Et quand cela serait ? Dit Mr. Thornton. Et il garda un instant le silence, puis il reprit. Je ne suis pas un collégien pour me laisser intimider par l'orgueil d'une femme, ou pour m'affecter de ce qu'elle se méprend sur moi et sur ma position. Je suis plutôt disposé à en rire. Sans doute, et d'elle aussi, avec ses idées ridicules et ses airs hautains. Je me demande seulement pourquoi vous en parlez tous deux si longtemps, alors, dit Fanny. Je suis fatigué de ce sujet de conversation. Eh bien, dit le frère avec une légère nuance d'amertume, tâchons d'en trouver un plus agréable. Que dites-vous d'une coalition, par manière de variété? Ont-ils donc réellement cessé de travailler? Demanda Mrs. Thornton d'un air de vif intérêt. Les ouvriers de Hamper ont déjà quitté ces ateliers. Les miens finissent leur semaine, dans la crainte que je ne les poursuive pour avoir manqué à nos conditions. Je les aurais tous fait juger et punir s'ils avaient quitté leur ouvrage avant d'avoir fini leur temps. Cela aurait coûté plus cher que la chose ne valait, dit Mrs. Thornton. Sans doute, mais je leur aurais fait voir que je tiens ma parole et que j'entends qu'ils tiennent la leur. Ils me connaissent maintenant. Les ouvriers de Slickson sont partis et il est à peu près certain qu'il ne dépensera pas d'argent pour les faire punir. Nous sommes en pleine coalition, ma mère. J'espère qu'il n'y a pas beaucoup de commandes. Si, il y en a beaucoup et ils le savent bien, mais ils ne comprennent pas tout, quoiqu'ils se croient bien habiles. Que voulez-vous dire, John? Les Américains jettent leurs tissus sur le marché en si grande quantité que notre seule ressource est de les produire à plus bas prix qu'eux. Si nous n'y arrivons pas, il ne nous reste plus qu'à fermer boutique. Et ces insensés viennent nous parler des salaires d'il y a 3 ans. Et même quelques-uns de leurs chefs nous citent les salaires de Dickinson, quoiqu'ils sachent tout aussi bien que moi qu'avec les amendes qu'on retient aux ouvriers sur leur paye et d'autres détours que pour ma part je rougirais de mettre en pratique, le véritable salaire chez Dickinson est moindre que chez nous. Sur mon honneur, ma mère, je voudrais que les anciennes lois fussent encore en vigueur. Il est révoltant de voir des insensés, des ignorants, des opiniâtres tels que ceux-ci, en unissant leurs sottes têtes, disposer de la fortune de ceux qui apportent toute la sagesse, que la science, l'expérience et bien souvent les méditations pénibles et les graves inquiétudes peuvent donner. Il nous faudra bientôt, et en vérité nous ne sommes pas loin de là aujourd'hui, aller demander humblement, le chapeau à la main, au secrétaire de l'Union des Tisserands, d'avoir la bonté de nous fournir des ouvriers au prix qu'il leur conviendra de fixer. C'est là ce que veulent ceux qui n'ont pas assez de sens pour comprendre que si nous n'avons pas une part de profit qui puisse compenser toutes les tracasseries que nous avons à subir en Angleterre, nous pouvons nous transporter dans quelque autre pays, et aussi qu'avec la concurrence intérieure et extérieure, il n'est guère probable qu'aucun de nous fasse autre chose qu'un bénéfice modéré. Ne pouvez-vous vous procurer des bras en Irlande? À votre place, je ne garderai pas ces gens-là un jour de plus. Je leur apprendrai que je suis le maître et que je puis employer qu'il me plaît. Sans doute, je le puis et même je le ferai, si cela dure. Cela me donnera beaucoup de peine et me coûtera beaucoup d'argent et je crains que la chose ne soit pas sans danger. Mais cependant, je le ferai plutôt que de céder. Si vous êtes obligé à tant de dépenses, je suis fâché que nous donnions un dîner en ce moment. Et moi aussi, non pas à cause de la dépense, mais parce que je suis préoccupé de beaucoup de choses et que je n'ai guère de temps à moi. Mais il nous fallait bien recevoir Mr. Hawthorne, qui ne doit pas rester longtemps à Milton. Quant aux autres, nous leur devons des dîners, et nous en serons quittes tout d'un coup. » Il continuait sa marche agitée, ne parlant plus, mais de temps à autre soupirant profondément, comme s'il eût essayé de chasser quelques pensées pénibles. Fanny adressait à sa mère 100 petites questions, sans aucun rapport au sujet qui, elle eût dû s'en apercevoir, occupait toutes les pensées de Thornton. Elle recevait en conséquence de très courtes réponses. Elle fut donc bien aise d'entendre sonner 10 heures et de voir entrer les domestiques qui venaient assister à la prière du soir. Mrs. Thornton avait coutume de la faire chaque soir, après avoir lu un chapitre de la Bible. Elle lisait dans ce moment l'Ancien Testament. Lorsque les prières furent finies, et que Mrs. Thornton eut souhaité une bonne nuit à son fils, avec ce long regard fixe et profond qui n'exprimait pas la tendresse dont son cœur était plein, mais qui, dans son intensité, ressemblait à une bénédiction, Mr. Thornton se remit à arpenter la chambre. Tous ses plans étaient mis en échec par la coalition qui allait avoir lieu. Ses prévisions, ses laborieux calculs, tout était renversé par la conduite insensée des ouvriers. Il est vrai qu'ils se faisaient encore plus de tort à eux-mêmes qu'à lui. Cependant, ils ne savaient où s'arrêterait le dommage qu'ils allaient lui causer. Et c'étaient là les hommes qui se croyaient capables de diriger les maîtres dans l'emploi de leur capital. Hamper avait dit ce jour-là même que s'il était ruiné par la coalition, il recommencerait la vie, consolé par la conviction que ceux qui avaient causé son malheur étaient dans une situation bien pire que la sienne. Car lui, Hamper, avait non seulement des bras, mais une tête, une intelligence, tandis qu'eux n'avaient que des bras, et que lorsqu'ils auraient chassé le commerce de Milton, ils ne pourraient ni le suivre ni faire autre chose. Mais cette pensée n'était pas une consolation pour Mr. Thornton. Peut-être ne trouvait-il aucun plaisir dans la vengeance. Peut-être plutôt attachait-il tant de prix à la position qu'il s'était faite à la sueur de son front, et ressentait-il tant d'affliction et de colère de l'avoir mis en péril par l'ignorance et la folie des autres, qu'il ne donnait pas une seule pensée aux conséquences qui résulteraient pour eux de leur conduite. Il continuait de marcher en proie à de douloureuses méditations lorsqu'il entendit sonner 2 heures. Les bougies étaient près de s'éteindre. Il alluma la sienne en murmurant. Une fois pour toutes, ils sauront à qui ils ont affaire. Je puis leur donner 15 jours, pas davantage. Si d'ici là ils n'ont pas reconnu leur folie, je ferai venir des ouvriers irlandais. Je crois que tout cela vient de Slickson. Que Dieu le confonde, lui, et toutes ses fourberies. Il a cru avoir trop de marchandises en magasin. Il a fait semblant de vouloir céder lorsque la députation est venue chez lui, et naturellement il n'a fait que les confirmer dans leur folie, comme c'était bien son intention. Voilà d'où est venu tout le mal.